sur Saint-Étienne et ses environs, Radio Duo vous tend le micro. Donc ces journées, ce sont les deuxièmes qu'on organise sur cette thématique, sur cette histoire de la lutte contre le VIH-Sida à Saint-Étienne, avec l'ambition de faire émerger, comme on l'a mis dans le titre, une histoire sociale et populaire stéphanoise de la lutte contre le VIH-Sida, une histoire méconnue ou enfouie ou invisibilisée sur laquelle on n'a pas grand-chose. En réalité. Et l'idée de ces deux journées, c'est de poursuivre ce travail au prisme des sciences sociales, puisque les sciences sociales ont contribué à écrire cette histoire de la lutte contre le VIH-Sida, au-delà de Saint-Étienne, hein, de manière générale au niveau national et puis au niveau international également. Mais ici, on aimerait emprunter un autre chemin, justement, en allant précisément là où les sciences sociales sont encore peu allées, c'est-à-dire à l'échelon local, voir ce que cette histoire générale de la lutte contre le VIH Sida, la façon dont elle se répercute ici à l'échelle locale et la façon dont elle a eu lieu, elle s'est déroulée ici. Donc les manifestations locales de la lutte contre le VIH-Sida et puis plus précisément celle de ce territoire-là, le territoire stéphanois, qui est un territoire plutôt périphérique parce que les sciences sociales ont parlé de l'histoire locale de la lutte contre le VIH-Sida à partir de Marseille, à partir de Paris, à partir de lieux un petit peu dominants de cette histoire, mais des lieux comme Saint-Étienne et probablement aussi comme d'autres villes ou d'autres territoires, eh bien, sont restés jusqu'à présent assez invisibles. Et donc c'est un petit peu notre ambition d'essayer de remettre la lumière sur ces territoires-là. On s'interrogera aussi, du coup, sur la façon dont on peut réinscrire ce qui s'est passé ici dans l'histoire nationale et internationale du VIH-Sida, voir comment est-ce que les acteurs ici ont vécu des choses semblables ou pas à ce qui s'est passé nationalement, comment est-ce que cette histoire fait écho à cette histoire plus large. Est-ce que les acteurs et les actrices ici ont eu le sentiment de participer à cette grande histoire, entre guillemets ? Et est-ce qu'ils ont eu l'impression que cette histoire du VIH-Sida dont on entend parler, c'est aussi la leur et elle ressemble à celle qu'ils et elles ont vécue ici ? Alors peut-être rapidement quelques éléments sur ce qui a été dit en février 2025. Ces deux journées avaient permis de souligner la richesse historique militante du territoire stéphanois, mais aussi les fragilités et les difficultés qui avaient été traversées par les associations locales qui s'étaient engagées dans la lutte contre le VIH-Sida. La fermeture d'Actis, notamment, des conflits avec Aide, la fermeture d'Actis il y a quelques années, la fermeture du planning familial également très récemment. Et puis de montrer aussi que ce monde associatif, c'était un monde complexe et qu'il avait des liens assez forts avec le milieu médical stéphanois. Et puis, un autre élément, je vous ai parlé de l'État tout à l'heure, très rapidement. Eh bien, l'État, c'est vrai, le rapport des groupes locaux avec l'État était resté finalement assez à l'arrière-plan. Je ne sais pas si on arrivera à en parler un petit peu plus cette année, mais en tout cas, c'était une des ambitions d'essayer de voir comment est-ce que tout ça avait résonné avec les institutions étatiques. Oui, il y a un autre élément sur lequel finalement on s'est rendu compte que les choses n'avaient pas forcément été abordées, en tout cas on a eu l'effet d'une forme de réduction. C'est notamment sur le sentiment que la variété des expériences, des trajectoires de personnes touchées directement ou indirectement par le VIH et le SIDA, que cette variété n'avait pas été suffisamment mise en avant. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment que finalement tout le monde avait vécu un peu la même histoire, alors que peut-être, c'est un petit peu l'hypothèse que l'on a formulée à l'issue de ces deux premières journées, peut-être qu'il y a une pluralité aussi à entretenir, une variété d'histoires, de trajectoires aussi à mettre en avant. Peut-être qu'on n'a pas aussi mis en évidence, mais peut-être que le temps du récit fait que les émotions sont parfois mises un petit peu de côté, ou en tout cas mises à distance. C'est effectivement comment prendre la mesure en 2026 de la dimension commotionnelle qu'a été l'épidémie du sida. On sait que nombreuses personnes ont eu peu voix au chapitre, c'est ce qu'on soulignait à l'instant. D'autres ont su aient pu partager leur expérience et les collectiviser d'une certaine manière, c'est-à-dire sont pu se réunir et puis agir collectivement. Et puis d'autres sont restés seuls, démunis, et se sont souvent violemment heurtés aussi au rejet, à la stigmatisation, à la discrimination, à l'homophobie, à la transphobie. Et peut-être que ce sont aussi des éléments qu'on souhaiterait pouvoir, à un moment donné, mettre en relief. Un des aspects que nous avons là aussi peu abordé l'année dernière, c'est qu'on voudrait mettre en avant, c'est le lien qu'on a pu, qui a été difficile à établir historiquement, mais qu'on aimerait un petit peu reconstituer d'une certaine manière, c'est le lien entre toxicomanie et VIH-SIDA. Du coup, peut-on dire qu'il y a une histoire de lutte contre le VIH-SIDA, ou faut-il affirmer qu'il y a des histoires de la lutte contre le VIH-SIDA? Quel statut est-ce qu'on pourrait lui attribuer? Est-ce que ce sont des histoires parallèles? Est-ce que ce sont des histoires secondaires? Donc ce sont là aussi des enjeux de mémoire et de qualification à ne pas négliger. Et c'est ce qu'on souhaiterait aborder avec vous au cours de ces deux journées. Je répète, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89,